Orthodox s'est formé en 2004. Quelles ont été vos premières influences? Quand on a commencé notre projet, on jouait ensemble déjà depuis 10 ans. Des grands groupes de metal comme Black Sabbath, Iron Maiden. Et des groupes plus récents comme Electric Wizard, Melvins. Des classiques donc, mais encore? Ce n'est pas très original, mais Manowar, Celtic Frost, Black Sabbath, non, non. Comment se sont passés vos débuts? Est-ce que ça a été difficile? Yes and no, because we don't see our role inside a metal scene. Oui et non. On ne se considère pas comme ayant un rôle à tenir sur la scène metal. On a commencé assez facilement vu qu'on avait l'habitude de jouer ensemble. Et c'était aussi facile d'enregistrer car on avait une idée très claire de ce qu'on voulait faire. On a eu des retours de la part du public et des labels, mais nous n'avons pas énormément de poids sur cette scène, parce qu'elle est très fragmentée. C'était facile de trouver le moyen de faire ce dont nous avions envie. Les autres, par contre, ne pigeaient pas tout. Votre deuxième album, Amenacer en Puerta Oscura, est sorti sur un label indépendant américain, Southern Lord Records. Quels ont été les retours? It was mixed because the first album went okay, went very, very good. Les avis étaient variés, parce que notre premier album a été très apprécié, mais le deuxième était très différent. Alors les gens l'ont soit beaucoup aimé, soit ne l'ont pas compris, soit l'ont trouvé bizarre. This is strange. Ricardo. Ce deuxième album nous a quand même permis de jouer dans les festivals comme Supersonic à Birmingham par exemple et d'avoir encore plus de gens qui l'apprécient. Mais c'est vrai, comme il a dit, certains préfèrent le premier album qui sonne purement métal alors que le deuxième incorpore d'autres influences, bien que nous, on considère comme du métal. Les avis sont partagés. Avez-vous eu l'occasion de jouer vos deux précédents albums sur scène? Nous avons fait quelques gros festivals, mais on doit choisir les dates avec précaution. Car avec nos vies privées, l'emploi du temps est serré. Je suis papa, Barra aussi, Marco est étudiant, on a tous un boulot à côté. On ne peut pas être en tournée pendant tout un mois. Alors c'est difficile pour nous. Soit on prend des dates près de chez nous, soit auprès de bons festivals comme Supersonic, Rock Band, Hellfest. Peut-être plus tard, quand on aura assez d'argent, on vivra de la musique et on fera une grande tournée. Vous avez joué au Hellfest ainsi que dans d'autres festivals. Avez-vous remarqué des différences au sein du public d'un endroit à l'autre? El Hellfest est un festival muy grande. Le Hellfest, c'est un truc énorme. Une organisation très professionnelle, un public immense, donc on était forcément impressionnés. Et c'était aussi un festival purement métal, donc le public était assez homogène. Dans d'autres festivals, le public est plus varié. Par exemple, Supersonic, c'est plus expérimental. Considérez-vous le fait d'avoir des influences aussi variées comme un avantage, car le public metal n'est pas toujours très ouvert d'esprit? That's the point of the band, because the fact is that we think that all that mix of influence is influence that we think are heavy. C'est toute l'idée du groupe en fait. Car parmi toutes nos influences, le point commun est le côté heavy du son. Parce que tu peux écouter beaucoup de groupes de métal qui font des tas de riffs, distorsions et autres, mais ça ne sonne pas heavy pour nous. Car tout est prévisible avec une production très classique. Mais on peut trouver les aspects que l'on aime dans le métal parmi des groupes qui ne le sont pas du tout. La musique classique parfois, ou le groupe Yes, qui était très agressif, qui faisait une musique assez violente en fait. Voilà notre concept du heavy metal. Quand on l'applique à ce qu'on fait, ce n'est pas tant mélanger nos influences dans une idée de fusion, mais simplement s'approprier ce qui est heavy dans d'autres musiques. Marco. The origins of hard rock and heavy metal. Les origines du hard rock, c'était cette mentalité, il me semble. quelque chose de plus expérimental. Et on essaye de retrouver cette démarche. C'est pour ça qu'on s'appelle orthodoxe. On essaie de retrouver l'essence du métal, telle qu'elle existait aux racines du mouvement. Un troisième album est en préparation, je crois. Sentencia. Il a été enregistré l'hiver dernier. Il devait être disponible cet été, mais ça va prendre encore quelques semaines. Mais c'est fait. Sur le même label ? Non, cette fois il sort sur Alone Records, qui est un label espagnol qui a déjà sorti nos trois albums. Source and Lord avait produit nos deux premiers disques. Y aura-t-il une distribution européenne ? Yes. Oui. Vous êtes tous trois originaires de Séville. Comment ressentez-vous l'influence de l'Andalousie dans votre personnalité et finalement dans votre musique ? C'est très difficile de le voir de fuera parce que c'est partie de ce que sommes. Andalousie, aunque seamos músicos de heavy metal, ce serait difficile de faire abstraction de nos racines andalouses, même si on est des musiciens de heavy metal. C'est aussi ça qui nous attache au projet flamenco d'Israël Galván. Justement, comment avez-vous été amené à rencontrer ce chorégraphe de flamenco, Israël Galván? Pedro G. Romero, el subdirector artístico d'Israël. C'est le directeur artistique d'Israël qui nous a connus avec le disque Grand Poder quand il est sorti. Il a voulu nous présenter à Israël. On a travaillé ensemble pour un premier projet présenté au Festival de Brest. C'est à partir de là qu'on a commencé à développer ce nouveau spectacle, El Final de Este Estado de Cosas, dans lequel on tient un rôle modeste en définitive. Quelles sont les différences majeures entre vos concerts habituels et le spectacle de flamenco auquel vous contribuez? Car j'imagine que ça vous change. Oui. Lo malo de trabajar con Israel, digamos, es la presión del teatro. La différence est qu'en travaillant dans un théâtre, c'est très différent d'un concert au niveau technique. On doit être discret. Et surtout très précis vis-à-vis des danseurs. C'est ce qui est le plus nouveau pour nous. Avec Inès Bacan, il faut aussi s'adapter. On n'a pas l'habitude de jouer pour d'autres personnes sur scène. D'habitude, on est seul. Creamos un contexto musical, pero no tocamos nuestras canciones. Et le public est aussi sans doute très différent lui aussi. Yes. Oui, très différent. Y a-t-il eu des gens qui ne vous connaissaient pas et qui vous ont découvert à l'occasion de ce spectacle dans lequel vous intervenez? Hemos visto a alguna gente con camiseta de Boris y demás, así que supongo que irán a vernos nosotros. On a vu quelques personnes habillées en noir dans les salles, mais on ne sait vraiment pas s'il y a des métalleux dans le public du spectacle. Si on jouait plus près de chez nous, sans doute. Et puis dans le cadre d'un théâtre, c'est délicat d'avoir un contact aussi direct avec les gens que dans une salle de concert. Non, on ne sait pas vraiment s'il y a un public métal parmi les spectateurs. Pero fuera no suele haber público de metal en el público. Entonces, y bueno, luego, mais il faut dire aussi que l'on joue derrière un rideau sur scène. On ne voit que nos silhouettes. Donc, les gens du public ne nous reconnaissent pas, c'est normal. Qu'avez-vous pensé du cadre des carrières de Bulbon? Muy diferente y es un entorno natural bastante acorde, digamos, a como podríamos imaginar tocar al aire libre. C'est un cadre très différent des théâtres dans lesquels on a joué jusqu'à présent. On est en plein air. Il y a le vent dans les micros. Ça nous rappelle les concerts auxquels on est habitué. On aime beaucoup. Le spectacle de flamenco dans lequel vous intervenez s'appelle El Final de Estado de Cosas Redux et s'inspire de l'Apocalypse selon Saint Jean. D'autre part, vous-même, vous utilisez des photos de procession de la Semana Santa à Séville pour les visuels de vos albums. Ces références à la religion font-elles partie d'un postulat pour vous, qu'il soit artistique ou non? L'Espagne a l'air profondément catholique, mais ce n'est pas si vrai au quotidien. En tant que groupe heavy metal, on est habitué aux symboles religieux détournés, et finalement, pour nous, l'influence de la religion catholique ne vient pas tant de nos racines espagnoles, mais de la musique heavy metal que l'on joue. Avec ce spectacle et le nouvel album, quels sont vos projets dans l'immédiat? We'll make some dates, I guess. On va faire encore quelques dates, je pense, principalement en Espagne et au Portugal. Et on a encore des dates de prévues avec Israël. Et on travaille au nouveau titre du quatrième album. Maybe with some flamenco people from here. Déjà? Yes, always. We wrote this album before. En fait, on a écrit cet album avant d'enregistrer le premier. Our mind is our. This is a weird. Yeah. On y pense beaucoup. We think a lot. We would really like to play in France in some. With Monarch. On aimerait jouer en France plus souvent. On a déjà tourné en Espagne avec Monarch, un groupe de Bayonne, et on est en contact avec un organisateur qui s'occupe de quelques bons groupes français. Alors peut-être qu'on fera une tournée en France dans quelques années. Allez, quelques mots pour conclure. Merci pour l'interview et salut au public français.